Bonjour à tous, chers amis francophiles, et bienvenue à FrenchPod. Je m'appelle Amaury, et je suis en compagnie de JP. Salut! Pour vous présenter une nouvelle leçon de niveau Upper Intermediate. Merci, JP. Donc aujourd'hui, on a une leçon qui concerne les nouvelles technologies. Mm-hmm. Et plus précisément, on aura une personne qui a besoin d'acquérir un nouveau téléphone portable. Aha. Donc évidemment, ça soulève beaucoup de questions. Mm-hmm. Et il y a énormément de choses à savoir. Oui. Et moi, je suis très bien placé parce que en nouvelles technologies, JP, je suis mauvais. Moi aussi. Hein. Je m'y intéresse, oui. J'essaye. Mais parfois, je suis un peu dépassé. Oui. Moi aussi. Quand il s'agit d'acheter quelque chose de nouveau, j'achète toujours celui que tout le monde a déjà. Comme ça, en même temps, oui. Si tu as des problèmes avec ton téléphone... Je peux demander. C'est pas bête, bien vu. Ouais, c'est ça. Alors, Amaury, c'est quoi le mot-clé de cette leçon? Alors, c'est le top du top. Le top du top. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire, le top du top? Ça veut dire le meilleur. Ah. Et comment ça s'écrit le mot top? T-O-P. Oh, the top. Voilà, le top du top. Ok. C'est le mot en anglais. Oui, on reprend en français. Ok. Ben, le français, c'est pas difficile. C'est pas compliqué. Alors, on va écouter le dialogue? Oui, il est temps de rejoindre notre personnage dans le magasin. Je peux vous aider, mademoiselle. Ça fait environ 20 minutes que vous observez nos différents modèles de portables. Vous avez besoin d'un renseignement? En fait, voilà, j'ai envie d'acheter un nouveau téléphone. J'ai le même portable depuis 4 ans et j'ai vraiment envie de changement. Mais je m'y connais pas trop. Très bien. Alors, vous recherchez quel type de portable? Un portable dernier cri qui fait caméra, appareil photo, avec lequel vous pourrez envoyer des MMS et vous connecter sur Internet? Ou plutôt quelque chose de simple? Waouh, il y a des portables avec lesquels on peut aller sur Internet? Oui, plutôt un modèle moderne alors. Oui, c'est une technologie qui s'appelle le WAP et qui vous permet d'avoir un accès Internet illimité. Enfin, ça dépend du forfait que vous prenez, où que vous soyez. Ce modèle, par exemple, est un mobile 3G+, c'est-à-dire de 3e génération, qui permet non seulement d'obtenir un débit de connexion Internet rapide, mais également la visiophonie. Est-ce que je pourrais consulter mes mails, par exemple ? Mieux que ça, vous pourrez naviguer sur n'importe quel site internet et même aller sur MSN, puisque ce portable est compatible avec Windows Live Messenger. Il est aussi équipé d'un appareil photo 5 mégapixels, de la radio, d'un lecteur MP3, du Bluetooth, d'une carte mémoire d'un giga et d'un port USB. Ça a l'air d'être le top du top. Et c'est pas fini. La visiophonie, que j'ai mentionnée précédemment, vous permettra de voir vos correspondants pendant... Économisez votre salive. C'est bon, je le prends. C'est vrai qu'il y a quand même énormément de choses et de plus en plus, en fait, JP. Oui, j'ai pas compris. Même en anglais, je pense que je comprendrai rien. Donc c'est bien, on en apprend plus avec ce dialogue aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et donc cette personne a les mêmes problèmes que nous, puisque on dirait qu'elle est assez perplexe, puisque ça fait 20 minutes qu'elle attend, qu'elle regarde tous les portables. Oui. Et donc on a ce vendeur qui fait son métier, qui vient lui demander si elle a besoin d'un renseignement. Ok, renseignement, that's information. Voilà, oui. Et c'est le cas puisqu'elle veut acheter un nouveau téléphone. Mm-hmm. Donc en français, on peut dire un téléphone portable, okay. Un téléphone ou un portable. Okay. Les trois mots désignent cell phone. Oui. Okay. Le problème, c'est que cette demoiselle ne s'y connaît pas trop. Oui, elle dit, mais je ne m'y connais pas trop. Oui. Okay. On ne va pas analyser trop le grammaire de cette phrase. C'est plutôt une expression. L'expression est s'y connaître en quelque chose. Mm-hmm. Et donc ici, je ne m'y connais pas trop. So, s'y connaître is to be familiar with, and when she says, je ne m'y connais pas trop, she's not too familiar with it. Exactement, ouais. Alors, maintenant, il faut savoir quel type de portable elle préférerait acheter. Ok. Donc, évidemment, il y a les vieux portables qui sont peut-être un peu plus faciles. Ouais. Mais le vendeur, il ne va pas lui conseiller ça. Non, généralement, il préfère conseiller un portable dernier cri. Ok, dernier cri, cela veut dire... Tout récent, le plus à la mode. Ok. Celui qui a le plus de possibilités. Ok. Le plus cher. Et souvent le plus cher. Tout à fait raison. Ok. Et donc on voit ce portable dernier cri là, il a une multitude de fonctions puisqu'il fait caméra, appareil photo. Ok. Huh. Caméra, appareil photo, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, il fait caméra, ça veut dire qu'on peut faire des films. Oh, ok. Avec ce téléphone. Et l'appareil photo, c'est plutôt les photos. Exactement, oui. Ah oui. Et en même temps, on peut envoyer des MMS. Ok, MMS, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, c'est Multimedia Messaging Service. Bah, c'est en anglais. Eh ouais. On a juste repris les initiales. Ok, et qu'est-ce que cela veut dire, Multimedia Messaging Service? C'est pour envoyer les images? Voilà, exactement. Ok. C'est comme les textos, les SMS. Ok. Mais là, en même temps, pour envoyer des images et d'autres données. Ah, ok. Et donc, cette personne, on dirait que c'est mon homologue féminin, puisqu'elle pose la question, il y a même des portables avec lesquels on peut aller sur Internet. Ok. Elle ne s'y connaît vraiment pas trop, ça fait Oui. Ok, let's take a look at the relative pronoun. Il y a des portables avec lesquels on peut aller sur Internet. Avec lesquels, that's the relative pronoun, that's the pronom relatif. Oui. En anglais, with which. Are there cell phones with which I can go on the Internet? Maybe in English, I would say, are there cell phones I can go on the Internet with? Mais on ne peut pas faire ça en français. Non, on ne peut pas employer cette structure. Non, non. Non. Il faut dire avec lesquels, with which. Et donc, c'est possible d'avoir accès à Internet à partir de certains portables. Puisqu'il y a une technologie qui s'appelle le WAP. Le WAP, c'est anglais aussi? Wireless Application Protocol. Alors, le vendeur rajoute qu'on peut même avoir un accès Internet illimité. Mais bien sûr, ça dépend du forfait. Ok, forfait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le contrat. Ah, ok. Le contrat qu'on a souscrit. Ok. Il y a plusieurs options quand même. Exactement, ouais. Quand tu vas acheter ton téléphone et que tu prends un abonnement, on te propose différents types d'abonnements. Et ce sont différents forfaits. Et si elle prend un certain type de forfait, elle devrait pouvoir avoir accès à Internet où qu'elle soit. Ok. Il lui dit où que vous soyez. Oui. So wherever you are, no matter where you are. Now this is the subjunctive of the verb être. Vous soyez. And we use a subjunctive because it's où que, so no matter where you are, oui. Right? Whether you're here, whether you're there, it's kind of a way to cover every place. Donc elle a la chance de pouvoir avoir accès à Internet partout. Et en plus, il lui propose un modèle de portable qui s'appelle un mobile 3G+. Donc un modèle de troisième génération qui permet d'obtenir un débit de connexion rapide. Débit de connexion, cela veut dire the current, or the speed, or the torrent. Voilà. Ok, we're talking about high speed. Exactement. Et en fait, quand on parle de 3G+, c'est simplement une nouvelle catégorie de téléphones portables qui sont plus puissants et qui permettent d'avoir un débit de connexion rapide, un haut débit de connexion. Moi, je crois qu'en anglais, on dit the high speed downloads. Ah ouais. Et là, encore plus étonnant, le portable permet d'obtenir également la visiophonie. Waouh. On sent. La visiophonie. Donc normalement avec ce portable on peut se voir, JP. Ouais. Je pourrais bientôt faire un podcast dans un studio. Toi tu vas dans un autre studio. On se verra, mais c'est ça la visiophonie. On peut se voir directement dans le portable. Ok. Et là cette chère demoiselle a encore quelques questions quand même. Elle revient à quelque chose de beaucoup plus simple. Je voudrais juste savoir si elle va pouvoir consulter ses mails. Mail, que cela veut dire email. Ouais, les Français utilisent mail pour email. Ok. Les deux en fait. Les deux sont courants. Donc, évidemment, on peut tout faire avec ce nouveau portable. Et donc, on peut naviguer sur Internet. Ok, naviguer sur Internet. Naviguer, c'est plutôt pour les bateaux, quand même. On emploie le verbe naviguer pour Internet aussi. Ah oui. Et ça veut dire la même chose que aller sur Internet. Ok. Naviguer sur Internet, aller sur Internet. Oui. En anglais, on dit surf. C'est encore plus bizarre. Mais donc, aller sur Internet, ce n'est qu'un des multiples atouts de ce portable, puisqu'il a un appareil photo, mais pas n'importe quel appareil photo, un 5MG, qui veut dire 5 mégapixels. C'est pas mal. C'est beaucoup, ouais. La définition des photos est très bonne avec 5 mégapixels. Oui, tout à fait. Il y a la radio, un lecteur MP3, Bluetooth, une carte mémoire d'un giga et un port USB. Waouh. Qu'est-ce que tu veux de mieux? C'est tout ce qu'il faut. Hein? Micro-ondes. Micro-ondes, brosse à dents, tout ce que tu veux. Ça a l'air d'être le top du top. Le top du top, comme tu dis. Et ça, c'était le mot-clé. Le top du top. Ouais, le meilleur, ce qu'on peut espérer de mieux. Ouais. Frenchpod, c'est le top du top pour apprendre le français. Ben tout à fait. Voilà. On peut pas trouver un meilleur exemple. Bien sûr. Et donc le vendeur est prêt à continuer à vanter les mérites de ce portable. Ouais. Mais là, notre cliente en a assez, c'est bon. Elle est heureuse avec tout ce qu'elle a entendu et elle dit « Économisez votre salive ». Gross. Je crois qu'en anglais, on dit « Save your breath ». Mais en français, c'est la salive. Ouais. Ok. Ouais, on dit toujours que le français est une langue romantique, mais il y a quelques exemples quand même. C'est pas le cas. Elle le prend, le portable. Donc, on va se replonger immédiatement dans tous ces termes de télécommunication. Et on écoute le dialogue. « Je peux vous aider, mademoiselle. Ça fait environ 20 minutes que vous observez nos différents modèles de portables. Vous avez besoin d'un renseignement ? En fait, voilà, j'ai envie d'acheter un nouveau téléphone. J'ai le même portable depuis 4 ans et j'ai vraiment envie de changement. Mais je m'y connais pas trop. Très bien. Alors, vous recherchez quel type de portable ? Un portable dernier cri qui fait caméra, appareil photo, avec lequel vous pourrez envoyer des MMS et vous connecter sur Internet ? Ou plutôt quelque chose de simple ? Waouh ! Il y a des portables avec lesquels on peut aller sur Internet ? Oui, plutôt un modèle moderne alors. Oui, c'est une technologie qui s'appelle le WAP et qui vous permet d'avoir un accès Internet illimité. Enfin, ça dépend du forfait que vous prenez, où que vous soyez. Ce modèle, par exemple, est un mobile 3G+, c'est-à-dire de troisième génération, qui permet non seulement d'obtenir un débit de connexion Internet rapide, mais également la visiophonie. Est-ce que je pourrais consulter mes mails, par exemple ? Mieux que ça, vous pourrez naviguer sur n'importe quel site Internet et même aller sur MSN, puisque ce portable est compatible avec Windows Live Messenger. Il est aussi équipé d'un appareil photo 5 mégapixels, de la radio, d'un lecteur MP3, du Bluetooth, d'une carte mémoire d'un giga et d'un port USB. Ça a l'air d'être le top du top. Et c'est pas fini. La visiophonie, que j'ai mentionnée précédemment, vous permettra de voir vos correspondants pendant... Économisez votre salive. C'est bon, je le prends. Donc toi, JP, malheureusement, tu vas pas pouvoir nous expliquer totalement toutes ces nouvelles technologies. Non, pas du tout. Mais ça t'intéresse quand même. Oui, c'est très intéressant. Non, mais c'est vrai quand même, le fait de pouvoir aller sur Internet directement avec son portable. Moi, je peux. J'ai un iPhone. On dit ça en français, iPhone ? Ouais. Je peux naviguer sur Internet. Ouais. Où que tu sois. S'il y a le WAP. Seulement les endroits qui ont wireless. Wireless, comment ça se dit en français ? Sans fil. Sans fil. Oui. OK. Il y a aussi l'appareil photo, mais je crois pas que ça soit de 5 mégapixels. Non, non, pas du tout. Et tu as un bon débit de connexion quand tu vas sur Internet, quand tu navigues sur Internet? Ouais, ça dépend. Avec ton portable, ouais, c'est rapide? Ouais, ça dépend, plus ou moins. Moi, j'ai un forfait prepaid. D'accord. Mm-hmm. Donc, t'as le droit d'avoir une connexion sur Internet pendant toute une certaine durée de temps, et une fois que t'as épuisé ton forfait, mm-hmm. tu dois payer à nouveau. Ouais, c'est ça. OK, d'accord. Mais c'est pas automatique, t'as pas un forfait par mois. Non. D'accord. En tout cas, il faut pas s'inquiéter concernant cette histoire d'abonnement ou de forfait, chers auditeurs, parce que la prochaine leçon Upper Intermediate concerne les téléphones portables également, mais cette fois-ci, les différents types d'abonnements. Waouh ! Ça va, on va bien rigoler, JP. Ok. Mais ça va, ça vient dans 2 semaines, on a encore du temps pour tout apprendre. Ok. Et donc là, on expliquera un peu les différents types d'abonnements en France. Ok. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Oui. Donc voilà, comme je le disais, je suis très heureux parce que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que vous également. Et puis tu as quand même avoué que tu ne t'y connaissais pas trop. Et bien maintenant, c'est peut-être un peu différent. Tu t'y connais. Tout à fait. Un peu mieux. Oui, tout à fait. Et donc maintenant, pour moi, il ne me reste plus qu'à essayer de trouver un portable avec Internet. Ok. Et changer mon vieux portable. Donc si vous avez la moindre question concernant cette leçon, rejoignez-nous sur la page de discussion, posez-nous vos questions, n'hésitez pas à engager une conversation avec tous les utilisateurs et à continuer ce débat. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt.